هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue avec la série sur les règles de tajwid. Donc, j'enchaîne un peu les cours hein, pour ici terminer cette série parce que ici, il y a un programme de cours qui est tenu ici à la mosquée et ça nous empêche un peu de continuer ce programme par rapport à certains cours comme tafsir, etc. Donc, c'est pour ça, je sais que ça peut paraître un peu lourd pour certains. Walakin, ici, je me dois... bi-ibnillahi azza wa jal, de terminer rapidement, incha'Allah ta'ala, cette série-là. Donc, à part le cours d'aujourd'hui, normalement, il nous restera un seul cours, donc je pense que c'est l'avant-dernier cours, je pense, hein, incha'Allah ta'ala. Dans tous les cas, on est dans la fin de la série. On va voir les règles du alif, aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et les règles du hamza, hamzatu, ici, al-wasl, on va en parler, et hamzatu al-qata'a. Et ensuite, bi-ibnillahi azza wa jal, on verra si on peut continuer au jour d'aujourd'hui ou pas, ou lors de cette soirée. Ala kulli hal, les règles du alif, ahkamul alif. La lettre alif peut être récitée de deux façons, d'accord? Bit-tafrim ou bit-tarqiq, d'accord? Soit avec emphase, bit-tafrim, ou soit avec légèreté, bit-tarqiq. La lettre alif sera récitée bit-tafrim lorsqu'elle sera suivie, d'accord? Ou lorsqu'elle suit une des sept lettres emphatiques. Donc, ici, al-huruf al-mufakhama, comme on avait dit, dha, kha, sa, da, ghain, ta, et qaf. Donc, ici, à ce moment-là, elle va être emphasée. Donc, elle suit, comme par exemple dans, ici, surat al-fatiha, ghayril maghdoubi alayhim walad-da. On va pas dire walad-da, walad-da. On peut pas, de toute façon, on voit que ça sonne pas bien. Donc, ici, elle suit l'emphase de dad. Donc نعم. Donc c'est la même règle après pour le dha, le kha, le sad, le dad, le ghain, le ta et le qaf. واضح. Ça c'est pour at-tafkhim. La lettre alif sera récitée bit-tarqiq lorsqu'elle suit une lettre légère, bit-tarqiq. Donc ça c'est les lettres restantes, les 22 lettres restantes de l'alphabet arabe. Sin, zay, ra, dal, dal ila akhiri. D'accord? Par exemple, Iyaka na'budu wa iyaka. On va pas dire iyaka, iyaka. Non. D'accord? Pourquoi? Parce que comme on a dit, elle n'est pas précédée d'une lettre qui fait partie de huruf al-mufakhama. Comme le dad, comme le ta, le qaf, ila, etc. D'accord? Donc on va dire iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wadih? Ça c'est pour le alif. Ahkam al-alif. On passe aux règles du hamza, ahkamu, ici, al-hamza. Donc, on a deux types de hamza. On a ce qu'on appelle hamzatul wasl, d'accord, la hamza de liaison, et on a hamzatul qata'a, hamzatul qata'a. Donc, ça, c'est la hamza de rupture. Donc, hamzatul wasl, donc, se trouve toujours en début de mot introduit par alif. Hamzatul wasl, il se trouve en début de mot, ici introduit par alif, et se prononce toujours en début de verset. Il se prononce toujours en début de verset, et ne se prononce jamais au milieu d'un verset. D'accord? Quand il est au milieu, on le prononce pas. Hamzatul wasl, on fait la liaison. Mais quand il est au début, on doit ici le prononcer. Wadih? Exemple. Ihdina sirata. Ihdina sirai. D'accord? On va pas dire hdina. On est obligé de commencer par quelque chose. Et comme on avait dit, les Arabes, d'accord, il l'a vocalisé. Donc la hamza au début, et elle commence le verset, donc on doit soit lui mettre al-kasra, ou bien al-fatha, ou bien al-dhamma. Et on verra quand on mettra al-kasra, quand on mettra al-dhamma, quand on mettra fatha. Donc, ala kulli hal, exemple, nahu, ici c'est un exemple, ihdina. Ihdina sira. On a hamza tulwas au début, qui commence le verset, on dit ih. Ihdina al-sirat al-mustaqim. D'accord? Par exemple, on a dans Surat al-Ma'un, وَمْرَأَتُهُ وَمْرَأَتُهُ, d'accord, وَمْرَأَتُهُ بَعْدَ الْوَوْ, on a Hamzatul Wasl. Mais là, elle commence pas. Hamzatul Wasl, on commence pas le verset avec. Donc, on la prononce pas. Hamzatul Wasl, quand elle est au milieu, on le prononce pas. Mais quand elle commence, donc à ce moment-là, on doit la rendre mutaharrika. D'accord? Ici avec une haraka, donc ici soit le kasra, fatha ou bien dhamma. Exemple, wa mra'atuhu hammalat al-hatab. D'accord? Al-hatab. Al-hatab. Walakin, si on lit le verset, on va dire wa mra'atuhu hammalat al-hammalat al. On fait la liaison, on va pas dire hammalat al. Hammalat a. Non, parce que ici, c'est la liaison. Mais si elle est en début de verset, là, on la rend mutaharrika, kasra, fatha ou bien dhamma. Et c'est quoi qu'on doit lui mettre? On va le voir, bi'idhnillahi azza wa jal. Ça, c'est ce qu'on appelle hamzatul wasl. Et dans le Coran al-Karim, ils mettent une sorte de petite vague dessus. Vous avez le bâton et vous avez une sorte de petite vague dessus pour vous montrer que c'est hamzatul wasl. Et quand elle est dans certains Corans, ici, al-mushaf avec les couleurs, ils la mettent en grise pour dire vous la prononcez pas quand elle est au milieu. D'accord? Donc, hamzatul wasl, ils mettent une petite vague sur, ici, le bâton pour vous montrer, khlas, à ce moment-là, quand tu vois cet insigne-là, ce signe-là, ici, tu sais que c'est hamzatul wasl. Et on a la deuxième hamza qui est hamzatul qata'. D'accord? C'est la hamza de rupture. La hamza de rupture. Il se trouve dans un mot, début, au milieu ou à la fin. Ah, là, la différence, là, c'est que cette hamza, hamzatul qata', c'est soit au début, soit au milieu, soit à la fin. D'accord? Et il se trouve dans un mot, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Mais dans tous les cas, il se prononce toujours, quelle que soit sa position dans le mot. Il se prononce clairement. Toujours, quelle que soit sa position dans le mot. Clair? Et quelle que soit sa position dans le verset. Nahou, mathalan, ici, exemple, surat al-Fatiha. Iyaka na, d'accord? Donc ici, iyaka, il y a la hamza. Là, on voit bien la hamza. C'est pas comme, on a dit hamza tout l'ouest, ils vont vous mettre un signe, une vague. Non, là, ils vont mettre le signe de la hamza. Comme ça. Quand vous voyez le signe de la hamza, c'est clair. C'est hamza tout l'qata'. Ça veut dire qu'on doit la prononcer clairement. D'accord? Donc dans iyaka na'bud, ici, ils vont vous mettre la hamza clairement. Donc ça, c'est pour vous dire, tu dois la prononcer, c'est hamza tout l'qata'. Wadih? Et il y a une kasra. Et on a iyyaka na'bud et on a wa iyyaka nasta'in. Wa i, pareil. Ici dans wa iyyaka nasta'in, il y a la hamza. C'est hamzatul qata'. On la met clairement, ça te montre dans tous les cas tu la prononces. Wadih? Maintenant on reprend ces deux types de hamza dans les détails. Awalan hamzatul qata'. Donc la hamza de coupure. Il s'écrit et se prononce en toutes circonstances, on l'a dit. Clair? Et il a été dénommé ainsi, donc hamza de coupure, parce qu'en le prononçant, les lettres qui l'encadrent deviennent distinctes. D'accord? Ici, on voit les lettres qui l'encadrent deviennent distinctes. Et il est situé au début, au milieu ou à la fin des noms, des verbes et des particules. Et la troisième chose, règle à appliquer au hamza de coupure, il doit toujours être prononcé. C'est ce qu'on a dit clairement, clair. Et dans le Coran, comme on a dit, il s'écrit toujours comme ça, avec le signe de la hamza. Toujours. Wadih? Et il se voit. La hamza vocalisée après l'article défini alif wal lam. D'accord? Là, on a la hamza. On a une petite règle ici, la hamza. Claire, vocalisée. Après l'article alif wal lam. Après cet article-là. Claire? La hamza et sa voyelle après l'article alif wal lam. Quand elle vient après l'article alif wal lam, va être prolongée de deux temps. On va la prolonger de deux temps. Lorsque dans le Coran al-Karim, la hamza et sa voyelle, d'accord, a, etc., sont placées au milieu du alif et du lam. Donc il nous mâche le travail dans le Coran al-Karim. Quand vous prenez par exemple Surat al-Baqarah, verset 4. Surat al-Baqarah, la vache, verset 4. On a, وَبِالْ آخِرَتِهُمْ يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. Donc on a wabi al-akhira, donc on a ici la hamza qui va être au milieu. Quand elle est située au milieu, d'accord, donc ici ça vous indique que vous devez prolonger de deux temps. Vous regardez dans Surah Al-Baqarah verset 4, Wabil-a. Donc vous voyez, où est placée la hamza? Au milieu. Donc là, on va pas dire Wabil-akhirati. Wabil-akhirati. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle. Et ici, ça t'indique deux temps. Donc tu vas dire Wabil-akhira. Wabil-a, deux temps. Wabil-akhirati. Wabil-akhirati. D'accord? Donc ici, ça c'est quand elle est au milieu. On la prolonge de deux temps. Wadih? Mais maintenant, lorsque la hamza est sa voyelle, donc la voyelle on dit A, I, etc. D'accord? Ici sa voyelle A, fatha. Lorsque la hamza et sa voyelle ne doivent pas être prolongées de deux temps, il est placé sur le alif et non entre le alif et le lam. Un exemple, ici dans Surat al-Baqarah toujours, verset 11. D'accord? Là, ici, il est placé sur le alif et il n'est pas placé entre alif ou lam. Vous allez voir la hamza. On a la tufsidu fil ard. La tufsidu fil ard. Donc ici, on a la hamza qui est ici placée sur le alif. Vous la voyez qu'elle n'est pas au milieu. Donc quand elle est placée sur le alif, d'accord, ici et pas au milieu, donc à ce moment-là, ça t'indique c'est il y a pas de prolongation de deux temps. Donc tu vas pas dire ici la tufsidu fil ard. Non, la tufsidu fil ard. Donc ici, ça te montre que c'est, il n'y a pas de prolongation de deux temps. Voilà la différence entre ici, les deux hamza ici, deux temps et pas deux temps. Clair. Ça c'est pour hamzatul qata. C'est clair. C'est fini par rapport à ça. Maintenant on passe à hamzatul wasl. Hamzatul wasl, on avait dit c'est la hamza de liaison. C'est-à-dire quand il y a une petite vague. D'accord, où tu dois aller, ils vont te montrer une petite vague pour te montrer que c'est hamzatul wasl. Donc on a dit quand elle est au milieu, donc ici on la prononce pas, on fait la liaison, donc on la prononce pas. Mais quand elle est au début, on commence à, là on a dit on doit, ici à l'arabe, comment le prononcer? Mutaharrika, soit I, A ou O. D'accord? Et là on va voir quand et pourquoi on commence par A, quand et pourquoi on commence par I, et quand et pourquoi on commence par O. Wadih? Nabda'u bil fatha, avec la fatha. Il est prononcé avec la voyelle al-fatha, brève, lorsqu'on commence la lecture par lui alors qu'il fait partie de l'article défini alif wal-lam. D'accord? Quand il fait partie de l'article, il fait partie de l'article défini alif wal-lam. Donc là, on commence par A. Ça, c'est une règle. Par exemple, alhamdulillahi rabbil alamin. Alif wal-lam, il en fait partie. Hamzatul wasl, alhamdulillah, alif, lam, ha, mim, dal, alhamdulillah. Donc ici, on va dire quoi? A. Pourquoi? Il fait partie de l'article défini, alif, alif ou lam. D'accord? Dans Surat al-Fatiha, al, vous voyez, c'est une hamza tul wasl ici. Ils n'ont pas, est-ce qu'ils ont mis le signe comme ça, la hamza? Donc ici, on vous indique c'est quoi? Donc on commence, comment? Avec ici al-fatha, on dit alhamdulillahi rabbil alamin. Wadih? Avec la kasra, ici il est prononcé avec la voyelle brève kasra, donc on va dire i. Lorsqu'on commence la lecture, toujours, c'est on commence, hein, lorsqu'on commence la lecture par le hamza, alors qu'il est situé au début d'un verbe dont la troisième lettre est surmontée d'une fatha. On va commencer un verbe. Et là on a Surat Al-Alaq verset 1. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc on va prendre Iqra. Iqra. Donc on a la troisième lettre, la deuxième. Elle est avec sukun. Iq. Donc on passe à la troisième lettre. La troisième lettre, elle porte une fatha. Quand la troisième lettre porte une fatha, ici on va mettre une kasra. Iqra. Iqra. D'accord? Iqra. Wadih? C'est ça la règle. Troisième lettre. D'accord? Ici, elle porte une fatha. Donc, on va commencer avec une kasra. Il sera prononcé avec la voyelle brève. Kasra. Et là, c'est quand on commence la lecture toujours, hein. Donc, troisième lettre fatha. Première, on va mettre kasra. D'accord? Et il sera également prononcé avec une kasra lorsque la hamza est au début d'un verbe dont la troisième lettre est accompagnée d'une kasra. D'accord? Donc, ici, il sera pareil prononcé avec une kasra lorsque la hamza est au début d'un verbe dont la troisième lettre est accompagnée d'une kasra. Donc on a dit quand c'est iqra, on va dire iqra parce qu'il y a le ra, il y a le fatha. Et si on est dans un verbe et on commence et la troisième lettre c'est un kasra i, et ben à ce moment-là, on va commencer avec une kasra aussi. Donc voilà quand on commence avec la kasra. Quand la troisième lettre c'est une fatha et quand la troisième lettre c'est une kasra. Wadih? Et par analogie, la hamza de liaison existe dans sept noms. Ça c'est par analogie qiyas. Lorsqu'on commence par ces mots, il faut prononcer la hamza avec la kasra. On a ici ibn. Pourquoi on ne dit pas ubn, abn, ibn? Pourquoi? La troisième lettre c'est quoi? C'est quoi? Elle porte quoi? Ici, là, si on a ici ibna, comme wa atayna isabana, d'accord? Ici, la troisième lettre c'est une fatha. Lakin, par analogie, ils ont dit qu'on commence toujours, et ça c'est pour sept mots qu'on va voir, par la kasra. Donc on va dire ibn, exception. Ibn, d'accord? Et là, il donne l'exemple de la hamzatul wasl, wa atayna Isa ben Maryam. D'accord? Isa ben Maryam. On a ithnain, d'accord? Donc là, c'est simple parce qu'il y a ithnain, il y a le fatha. Imra'ah. Bon, ça c'est simple aussi. On a ism. On va pas dire usm, asm, ism. D'accord? Ism. Ismuhu kada wa kada. On a ithnatain, d'accord. Imri'in, d'accord. Bon là c'est simple parce que la troisième lettre de toute façon c'est clair, d'accord. Ibnatun, aïda, clair. Et ça c'est pour la kasra. Pour la dhamma, il est prononcé avec la voyelle, bref, dhamma, lorsqu'on commence la lecture par lui, d'accord? Alors qu'il est situé au début d'un impératif dont la troisième lettre est surmontée d'une dhamma obligatoire. Quand on va parler à l'amr, l'impératif, et la troisième lettre c'est une dhamma, la première elle prend une dhamma. Mathalan, udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam. Donc on a ici le dal, donc il est non vocalisé, la troisième khu, d'accord, la lettre kha avec dhamma, donc on va dire ou, parce que la troisième c'est dhamma, donc on va dire ou de khu, d'accord. Et il existe cinq exceptions dans le Coran al-Karim où la troisième lettre porte une dhamma mais le alif sera lu avec la kasra. Il y a cinq exceptions dans le Coran al-Karim où la troisième c'est une dhamma mais il y a des exceptions, on va les commencer quand même avec la kasra. Il y a dans surat al-Hijr verset 65. D'accord? On va prononcer imdu. D'accord? Imdu. Normalement, c'est umdu si on prend la règle. D'accord? Et ici, on le prononcera avec la kasra. Si on prenait à la base, hein, ce mot-là. On a, ici, H, 65. De surat al-Hijr. On a surat Taha, verset 64. I'tu, d'accord. I'tu, normalement ce serait u'tu, mais i'tu. Donc, surat Taha, verset 64. On a surat Sad, verset 6. Imshu, normalement c'est umshu, mais c'est des exceptions. Imshu, on dira imshu si on commence à la base, hein. Surat al-Kahf, verset 21. Ibnu, d'accord, ibnu. Mais quand on met hamzatul wasl, on va dire faqalu banu alayhim bunyana. Faqalu banu alayhim, d'accord. On va pas dire ibnu. Faqalu ibnu. Non, faqalu banu ou hamzatul wasl. Et on a dans surat Yunus, verset 71. D'accord. On aurait normalement iqdu. Donc on va dire i, donc on va commencer avec al-kasra aussi. Wadih. La prononciation d'un mot indéfini qui se termine par tanwin, suivi par hamzatul wasl. Ça, on l'avait déjà vu. Quand un mot indéfini, d'accord, qui se termine par tanwin, suivi par hamzatul wasl, qui lui-même est suivi d'une lettre portant sukun, le nun du tanwin, in, an, un, ne sera pas prononcé comme un nun avec sukun. La hamzatul wasl ne se prononce pas en milieu de verset et à l'écrit. Hamzatul wasl est entre deux lettres portant sukun. Exemple. Ici, والوزن يومئذ, je m'arrête, et si je prends, je veux dire الحق, je vais dire الحق. D'accord? Donc je dirais الحق. Mais ici, c'est une règle dans النحو, dans l'arabe, à l'oral, hamzatul wasl n'étant pas prononcé, nun sakin de tanwin est donc suivi d'une lettre portant sukun. Comme on ne peut lire deux lettres portant chacune une sukun. On ne peut pas les lire. Lire deux lettres, chacune portant une sukun. Il faudra mettre au nun sakin la voyelle kasra. D'accord? Par exemple, si on fait une phrase, comment on dirait en arabe par exemple? Iftah, mathalan, ash. Iftah al-bab. Mais là, on a deux sukun, donc on va faire comment? On va dire quoi? Iftah al-baba. Iftah al-baba. D'accord? Pareil ici. Comme on peut lire deux, on ne peut lire deux lettres portant chacune sukun, il faudra mettre au nun sakin la voyelle kasra. De plus, quand un mot se terminant par tanwin et qui est suivi par un mot défini commençant par alif wa lam en langue arabe, il n'existe pas dans la lecture deux sukun côte à côte. Donc il faudra mettre la voyelle kasra au nun du tanwin et faire la liaison avec alif wa lam. Comme ici, wal waznu yawma idini. D'accord? والوزن يومئذ الحق. On a par exemple dans sourate al-Furqan, sourate al-Furqan, donc ça se prononcera ici, si on va dire à l'écrit, on va dire ifkun iftarahu, mais prononcé if kun iftarahu. D'accord? If kun iftarahu. D'accord? If kun iftarahu. Parce qu'il y a deux sukun ici qui se suivent. Donc on va dire if kuni, d'accord? If kun iftarahu. Mathalan, surat al-Shu'ara verset 160. On a lotin al-mursalin. On va pas dire lotin المرسلين لوطين المرسلين لوطيني المرسلين on va dire قل هو الله. Comment ça se termine normalement sourate al-Ikhlas? Là, comment on va lire la terminaison? Ahadun, et après on repasse encore Allah, pareil avec la hamza. Donc ici on aura deux sukun, donc on va dire قل هو الله أحدون d'accord أحدون الله الصمد. Ça si tu continues, parce qu'on doit mettre le kasra, c'est compris ou pas? واضح. قل هو الله أحدون الله الصمد. Remarque, visuellement dans le mushaf, d'accord, ils vont vous mettre une boucle, comme je vous ai dit, une sorte de boucle, tandis que hamzatul qata ici, ils vont l'écrire clairement. Clair, soit au-dessus ou soit en dessous. Par exemple, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Donc, إِذَا جَاءَ. Donc, vous allez voir Hamza clairement. Et quand vous allez arriver ici à إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ نَصْرُ اللَّهِ Hamzatul الْوَاصِلِ, vous allez voir la boucle. D'accord? Dans surat al-Nasr, verset 1, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Donc, vous avez hamzatul qata' et hamzatul wasl. D'accord? Donc, ici, ça, c'est concernant hamzatul wasl. Et là, je vais terminer avec une dernière règle. Ici, concernant al-idram. Al-idram, et ça, je parle de l'idram qu'on applique dans Hafs an Asim, parce que d'autres, c'est, vous allez voir d'autres cas, et ça, mais ici, on va rester avec Hafs, hein. Donc ici, les types de idram, je parle pas des idram qu'on a vus, hein. Ça, c'est avec des lettres spécifiques. Par exemple, quand deux ta se rencontrent. D'accord? Le qaf et le kaf. D'accord? Donc, on a le premier exemple, ce qu'on appelle al-idram al-mutamathilain. Donc, ici, al-mutamathilain, c'est ce qu'on appelle identique. Donc, on les appelle les deux lettres qui se suivent identiques. C'est deux lettres identiques. Par exemple, kaf et kaf. On a dans surat al-Nisa, verset 78. D'accord? On a aynama takunu yudrikkumul maut. Yudrikkumu. Donc, on a deux kaf. D'accord? Donc, ici, normalement, il y a deux kaf. Yudrikkumul maut. Kaf, kaf. Mais ici, ils se suivent. Comment on fait? Donc, il y a l'assimilation. On prononce qu'un kaf avec une shidda. C'est pour ça on dit aynama takunu yudrikkumul maut. D'accord? On ramène shidda yudrikkumul maut. Wadih? Et il sera lui avec la pression de la shidda. Et on fera en plus une runna de deux temps quand c'est pour le nun ou le mim. Là, on rajoutera la runna parce qu'à la base, on avait dit qu'ils étaient toujours avec runna, nun et mim, on rajoutera une runna. Wadih? Ça, c'est le premier cas. On a les deux assimilés. D'accord? Ce qu'on appelle al-idram al-mutajanisayn. D'accord? Al-mutajanisayn, c'est les deux assimilés. On appelle aussi ainsi lorsque les deux lettres qui se suivent ont le même point d'articulation mais des caractéristiques différentes. Exemple, on a dans surat al-kafirun. Wala ana abidum ma abadtum. Ils ont le même point de sortie. Mais ils ont deux caractéristiques différentes. On a le del et le ta. Comment tu vas dire? Wa ma abad. Donc ça se confond ou pas? C'est le del et le ta. Wa ma abad. Donc ici ça s'assimile. Donc comment on va faire? Wa ma abad. On va mettre une shidda dans le ta et le del il est assimilé. Wa ma abadtum. Wadih? On va pas dire ma abadatum, ma abadat. Non, c'est une assimilation. On va pas dire aussi ma abadtum, tu peux pas. Ma abadtum al-idram. Wadih? D'accord, ça c'est la deuxième, al-mutajanisayn, c'est-à-dire que ils sont assimilés. Ils ont les mêmes points d'articulation, d'accord? Dal, ta. Lakin, ils ont des sifat, des caractéristiques différentes. D'accord? Mathalan dans sourate As-Saff, verset 14. فَآمَنَتْ طَائِفَةً فَآمَنَتْ il y a un ta. Mais après il y a le ta. Et les points de sortie sont les mêmes. Ta et ta. Sauf le ta, il est fait bit-tarqiq. Et ta, on remplit la bouche. Mais la langue, elle est positionnée dans le même endroit. Donc à ce moment-là, on dit, ils ont le même point de sortie. Ils se suivent. Donc à ce moment-là, il y a assimilation. Donc on va mettre une shadda dans le ta. Et on va enlever le ta et on va dire fa'amanat ta'ifa. Wadih? Ta'ifa. Pour la lecture Hafs, al-idram al-mutajanisayn se fait dans 7 cas. D'accord? Se fait dans 7 cas. Quand le del dans le ta. D'accord? Le del dans le ta. Quand le del il est avant le ta, le del il est assimilé. Par exemple, sourate Al-Ankabut, verset 38. وَقَدْ تَبَيَّنَا وَقَدْ normalement del, après ta. وَقَدْ تَبَيَّنَا واضح, le del dans le ta. Le ta dans le del. L'inverse aussi. مثلاً, sourate Al-A'raf, verset 189. Ici, on a فَلَمَّا أَثْقَلَتْ là on a le ta avec le del. أَثْقَلَتْ دَعَوَى. D'accord? Donc là on a le ta assimilé par le del. Et l'autre, le premier le cas, c'était l'inverse. Le del assimilé par le ta. Dans Surat Ali Imran, verset 122, le ta dans le ta. D'accord? إِذْ هَمَّتْ طَائِفَةً. D'accord? إِذْ هَمَّتْ طَائِفَةً. Et on a l'inverse, le ta dans le ta dans le ta. Donc ici dans sourate An-Naml verset 22. D'accord? Suivez, hein? Surat An-Naml, verset 22. فَقَالَ أَحَدْتُ. D'accord? Donc ici on a le ta et le ta. Et ici, ils disent que c'est un idgham naqis diminué. D'accord? Il reste quand même diminué. Ils disent que à ce moment-là, on doit garder la sifat de al-isti'la. D'accord? Du ta dans la prononciation du ta. Faqala, d'accord? Faqala ahattu. On a le dhal dans le dha. Et on a le tha dans le dhal. Et on a le ba dans le mim. Dans Surat Az-Zukhruf, verset 39, Surat Al-A'raf, verset 176, et Surat Hud, verset 42. Clair? On ne prononce pas la première lettre de Al-Idram, mais la seconde lettre sera lue avec la pression due à la Shadda. D'accord? Et on a le troisième cas, les deux proches, Al-Idram, Al-Mutaqaribayn. On l'appelle ainsi lorsque les deux lettres qui se suivent ont des points d'articulation proches et des caractéristiques différentes. C'est pas les mêmes, mais c'est proche. La fusion n'est obligatoire que pour deux cas. La lettre Lam fusionnant avec le Ra et la lettre Qa fusionnant avec le Kef. Vous prenez Surat Taha, ça après tout cela vous revoyez chez vous, hein, tranquillement, mais là, ici je vous donne les références et après les règles et c'est bon. Ici Surat Taha verset 114, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Donc tu vas dire quoi? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. D'accord? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. وَقُلْ رَبِّ. واضح? Et pour les lettres Qaf et Kaf dans Surat Al-Mursalat, verset 20, أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ. أَلَمْ نَخْلُقْ. Il y a le Qaf, كُمْ, il y a le Kaf. On va dire أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ. Clair? واضح? Et c'est pareil, la règle, on ne prononce pas la première lettre d'Al-Idram, Al-Mutaqaribayn, mais la seconde lettre sera lue avec la pression due à la Shadda. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. D'accord? Et pareil pour Surat Al-Mursalat. Ça, c'est ce qu'on appelle, ces quelques règles concernant Al-Idram, et pour se retrouver et comprendre pourquoi on prononce qu'une des deux lettres, et comprendre que la deuxième lettre, c'est elle qu'on va prendre en compte, mais on va lui rajouter une shadda pour appuyer dessus. Wadih. Donc ça, c'était le cours sur al-alif, hamzatul wasl, hamzatul qata' et ici al-idram. Et maintenant, il nous reste le plus grand des sujets qui nous reste, il nous reste les arrêts. Et quand on a fini les arrêts, je pense que ça sera le dernier, hein, je pense, hein. Donc je pense un cours ou deux encore, inshallah ta'ala, bi'idhnillah, si ça se passe bien, puisque là, comme je vous ai dit, j'essaie de couper un peu pour pas que ça se fasse trop lourd. Lakin bi'idhnillah, j'espère finir d'ici deux cours, inshallah ta'ala, cette série. Wa billahi tawfiq, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله